trop vite. Ta bobite est tombée, je le tweet. Faut France Cannes, pointe à pit. Bien fait, il te faut du David. Tout David, ton spirit. On le prend bien, snow limit. Wow, wow, ça les excite. Parce que j'ai trop de j'organise plein la vie. Sur les shows et mon avis. Mon Facebook et mes seuls. Point tout de suite, elle se si t'as pas de portable, tu peux me donner ton fixe. DJ Crow de B-Wapers Bag. Mia du lobby, ha ha ha, l'attaque. Wine, wine, non-stop, yeah. Baby, wine, yeah, hop, hop, hop, yeah. Mash up, mash up, ma fille, bouger le bas du corps, gauche à droite, yeah. Quand je prends le mic, je débite le limite. Non, c'est pas un mythe, montre comment tu t'agites. Dis-le sur le hit de façon inédite. Pas d'écart de conduite quand y'a pas de parasite. C'est moi qui t'évite, donc ce sera insolite. Sit, sit. Oui, je sais, j'existe, t'es ma favorite. Ma petite bébite. Wine ou DJ Crow de B. Je vois que c'est 20 ans, le platoon sur téléphone, Tom Tom le connection, la personne résonne.